quoi? Bah, allô, allô. Fait chier, ça marche pas. Ah, ça n'a pas marché. Le 3 ne fonctionne pas. Bah oui, voilà, vous êtes bien à l'écoute. On va parler à deux dans le 7. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Ça fonctionne pas du tout. C'est mieux que de parler à 7 dans le 2. Oh, c'est dégueulasse. Vous êtes donc bien à l'écoute de Radio Campus, 106,6 et tout le bordel. C'est Pyongyang City Rockers numéro 340 qui commence à cette heure tardive, vu qu'il est déjà 20h02. Hein. Avec le petit blanc au début, maintenant j'ai pris cette habitude-là de faire croire qu'en fait il n'y a rien. Puis que c'est pour mieux découper, c'est ça? Ouais, bah ouais. Ah ouais, parce qu'il y en a ici, ils n'aiment pas les silences. Moi j'adore les silences. J'aime bien les silences malaisants dans les voitures, moi. Ouais, ouais. Bien, un ange passe, on l'encule. Bon. Eh bien, qu'est-ce que je voulais passer? Bah oui, j'avais même pas préparé mes titres, là. Je suis arrivé à la bourre, c'est même pas la peine. Oui, les Ramones, voilà. Alors, les Ramones, avec en plus, attends que je sorte mes notes, sortez vos notes, mon ami. Voilà. Le meilleur morceau des Ramones, c'est Warthog. Ouais, c'est vrai, c'est vrai et c'est pas faux. Mais c'est un truc un peu tardif, c'est 85, un truc comme ça, non? Ouais, enfin, c'était l'argument. Quand t'avais 3 ans. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qui. Quoi, les Ramones? Ah, bah oui, les Ramones, voilà. Moi, c'est un morceau pop que je passe parce qu'il faut quand même commencer avec un truc pas trop violent, quoi. Des fois, on se fait reprocher de passer trop de hardcore et de hoï. Ah, tu dis, Stéphane? tous les jours, tous les ans un peu plus. Ouais. Voilà. Bien pop, donc, mais Ramonesque quand même, avec des girls au cœur. J'ai nommé, dont il y a Debbie Harry là, chez Blondie. Il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Et puis sinon, il y a Sydney Wilson et Kate Pearson des B-52S. Tu sais, les B-52s. Mais dans le Nord-Pas-de-Calais, on disait B-52S. Ah oui, en Wallonie aussi, je crois. Voilà. Et voici donc, et en plus c'est un titre à la gloire de la cuisine chinoise, la vraie et la bonne et la meilleure, Chop Suey par les Ramones. Chop suey. est pourri. Comme les Ramones. C'était pas la meilleure quand même. Si, moi j'adore. Ah ouais. Si, si, ouais. Okay. Pour commencer une émission, y a rien de tel. Ouais, ah ben aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti celle-là, tiens. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça aussi, la dernière fois qu'on m'a dit ça. Ah, je la ressors de temps en temps, maintenant. Voilà. Bon. Alors, Doug and the Slugs, c'est un groupe de Oi qui s'est formé en 83 à Los Angeles. Attention, il ne faut pas confondre avec un même groupe qui est canadien et qui fait de la pop. Alors, moi, je te parle du groupe de Oi. Ils sont pionniers de la scène skin en Californie et sont inspirés par des groupes tels que Four Skins, Last Resort ou encore The Business. Alors, ils vont sortir un nouvel album le 7 juin prochain et c'est de ce nouvel album que j'extrais le morceau Wreck the Neighborhood, détruire, ruiner, saccager le voisinage, qui sert aussi de morceau promotionnel et il portera exactement le même nom, l'album. Ça sortira en 12 pouces sur Longshot Music, Hello Mike et Step One Music. Et c'est tout de suite sur le 106,6, campuslille.com, Pyongyang City Rockers, Radio Campus Lille. Oi! Ah, les fameux fade-out qui sont interdits en 2024. Ah, beau, et hein. Depuis même 2000 ED. Hein. Ouais. Ah bon. Et là, ils étaient... Je sais plus, ça. Tu fais comment en concert? Tu joues de moins en moins fort? Oh là là, mais ça n'a rien à voir. Les concerts et puis les enregistrements studio, c'est pas la même chose, hein. T'as vu, hein. Oui. Alors, un auditeur qui ne sait pas auditer nous demande par message si c'était les B52S. Non, c'était les Ramones. Mais non, c'est UB40, hein. UB40. Et oui, il m'envoie plus de messages parce que j'en réponds pas quand je suis à l'antenne. Oh, salut, Schnapps. Bisous. Schnapps qui va participer à encore une sacrée pétaudière ce samedi. Il sera là au Black Lab avec... merde, comment il s'appelle déjà? Ah, j'ai vu son nouveau... Les Psychobilly. J'ai vu son nouveau nom, là. Ouais. Ricky Cifredo. Ouais, c'est ça. Oui, je te jure. Et ouais, je redirai tout à l'heure ce concert. Pour l'instant, de quoi que je parle, encore des Américains. C'est incroyable. Le Hattiesburg, Mississippi, tu connais? Mississippi, ouais, Hattiesburg. C'est un centre du monde qui est renommé pour son label de gore hardcore punk sans fioriture, Earth Girl. Et puis, dans ce centre du monde, il y a aussi le groupe Judy and the Jocks qui pratique la même sorte de punk rentre dedans que. Bah, et puis c'est normal vu que le label et le groupe vont main dans la main par l'entremise de la chanteuse du groupe qui est aussi la patronne du label. Ça aide quand même. Hein. Donc voilà. Si vous voulez voir Judy and the Jerks ce mois de juin, elle et il, c'est deux mecs et deux meufs. Deux meufs et deux mecs. C'est Judy et les branleurs, c'est ça? Ouais. Et ils font donc une tournée européenne. Ça commence par Bristol, Sheffield, Leeds, Londres. Jusqu'ici, ça va, puis après on passe sur le continent. Ça continue par direct, Padoue, Ilirska Bistrica, Zagreb, Belgrade, Budapest, Vienne, etc. etc. Mais de qui se moque-t-on? Il n'y a pas la moindre Belgique dans le tas. Alors je ne parle pas de la France, parce que la France, c'est pas rock'n'roll. C'est normal que les groupes ne s'y arrêtent pas. Mais quand même, merde. Alors, il y a peut-être... Enfin, je sais pas. Il y a un day-off entre le 12 juin, où ils sont à Londres, et le 14 juin, où elles sont à Padoue. Donc peut-être le 13 juin, il y aurait... Peut-être possibilité, on ne sait pas, si quelqu'un arrive à les choper puis les faire passer dans un bouge du côté de Courtrai ou Tournai ou j'en sais rien, quoi. Enfin, on peut toujours rêver. Et puis, si mes rêves ne restent que ça, des rêves, eh bien, je peux vous les faire écouter dès maintenant avec deux titres. Ça va vite, ça dure 1:35 pour ces deux titres. Mischief Night et Idle Threat. Arrêtez-vous deux. Je vous ai vu. C'est bien joli de partager le même micro, mais ça s'arrête là. Ah ouais, mais... hein, vous arrêtez. Vous écoutez Pyongyang City Rockers, c'est sur Campus 106,6, il est 20h16, et voici Gaël. Alors, instant hommage. Inigo Cabas. Merde, je vais le refaire parce que ça le fait pas. Quoi. Ça le fait pas. Au montage. Instant hommage. Inigo Cabacas était un ultra de l'Atlético Bilbao de la section Eri Armaila qui a été tué accidentellement par une balle de flashball de la police basque il y a 10 ans. Arene Six, le groupe basque, lui rend hommage au travers la chanson que vous pouvez voir en vidéo sur YouTube, Eri Baten Arnaza, qu'on pourrait traduire par « Le souffle d'un peuple ». Comme d'hab, par là-bas, c'est enregistré par Julian Urzeis au Sons of Siren Studio à Irunia. Comme d'hab, c'est une grosse tuerie made in Pays Basque. Pas plus de blabla, place à l'hommage sur Radio Campus Lille, Pyongyang City Rockers. Oi! C'est vrai que c'est bien. Je suis conquis. Hein? Je suis conquis. D'accord. Ils m'ont conquis. Et donc là, à Marant, tu vas déménager au Pays Basque? Non. Non. J'habite déjà au paradis. Bien. Je suis là-bas, il y en a aussi là-bas, mais il faut savoir parler la langue. Bah, ça s'apprend. Hein. Ah, Enfin. On a essayé. Skip. Tout à l'heure, je me plantais en annonçant un concert en oubliant les noms des groupes. C'est Lucky Devils qui fête leurs 25 ans. Ce samedi, au Black Lab, ils seront en compagnie de Lord Fester Combo et de DJ Ricky C. Fredo. Poète. Ah ouais, bah, c'est pas un trou de balle. Hein. Et donc ça sera au Black Lab 8 rue des Champs à Wasquehal. Métro, je sais plus quoi. Les prés. Ah, tu vois, Wasquehal. Wasquehal même. Je dis ça pour les Parisiens qui nous écoutent. Ça commencera à 20h, ce sera 10 euros l'entrée. Bon voilà, c'est même organisé par une excellente association qui s'appelle AP2C. Je me souviens, c'est moi qui ai trouvé le nom. c'est pour ça qu'il est pourri. Et donc, par contre, oui, ça ne vous coûtera pas 10 euros. Si vous téléphonez pendant les plages musicales, je répète, pendant les plages musicales, au 03 62 26 89 18, 03 622 689 18, pour avoir une des deux places que nous avons à gagner grâce à mon choupsi d'amour. Oh. Et voici donc maintenant Lucky Devils pour vous mettre en appétit avec un de leurs titres qui est sorti sur leur album qui sort là maintenant et que ça sera aussi la release partie Sleepy Hollows, Lucky Devils. Enfin, des fois, c'est des copains. Hein. Bon, bah, personne n'appelle. Pourtant, c'est des copains qui vous font gagner. Deux places pour Lucky Devils lors de Fester Combo et Ricky Cifredo au Black Lab ce samedi. Vous économisez 10 balles, c'est quand même pas rien. Hein. Donc, comme ça, vous pouvez dépenser au bar du Black Lab 03 62 26 89 18. Mais en attendant, enfin, juste quand Gaël aura fini son baratin. C'est vrai, hein, on les fait vraiment gagner. Il n'est pas trop long. Je réannoncerai avant de lancer. On va se diriger à présent vers la capitale française avec un groupe qui a un magnifique nom allemand, Wunderbar. Genre allemand, quoi. Alors, Wunderbar est un groupe de punk rock français, originaire plus précisément de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Il s'est formé en 78, dissous en 84 et reformé en 2005. C'est ce que Wiki me dit. Ouais. Alors, j'ai avec moi le single issu de l'album Actionnaire de la Raya qui sort officiellement le 31 mai chez Bobo, Dirty Punk Records et Combat Rock, Caps. Bonjour Caps. Ça a été enregistré, bonjour, mixé, bonjour, masterisé par le fameux Alexandre Mazarguil du UFO Studio qui enregistre quasiment toute la scène parisienne. La vraie Raya ne meurt jamais. Wunderbar, avenue des gueules cassées. Oi. Clic clic. Sur Campus 106,6, c'est l'émission Pyongyang Rockers numéro 340, il est 20h30, vous n'avez toujours pas téléphoné pour gagner une des deux places que nous avons pour aller voir les Lucky Devils et Lord Fester ce samedi au Black Lab. Vous pouvez toujours téléphoner au 03 62 26 89 18, 03 62 26 89 18, c'est Radio Campus, le studio, donc il faut téléphoner pendant que ça joue de la musique. C'est quoi la musique maintenant? C'est un groupe de Bogota en Colombie, il s'appelle Dimension Nocturna, ils viennent de sortir leurs 5 titres Mélanosis le 22 mars dernier, et puis bah, je vous balance sans autre forme de procès le titre Insomnio, Dimension Nocturna. Concerned, we got to know the. C'est de la Cold OF, hein. C'est sûr. Ouais. Ça téléphone toujours pas, là. Je suis vraiment au désespoir. Vraiment ouais. Ça, c'est parce que les gens, ils écoutent pas en direct. Hein. Ils écoutent ils uniquement écoutent les replays. Pas du tout. Ils écoutent pas, ah, c'est vrai. Moment c'est, dépression. Si on a un auditeur, c'est Schnapps. Voilà. Alors, à moi. À vous. Oui. Elle a 78 ans cette année, et on ne l'évoque plus beaucoup aujourd'hui, mais dans les années 70, elle était l'égérie transgenre d'un certain type d'underground parisien, faisant les beaux jours d'endroits mythiques, tels que le Palace chez Régine, ou encore le Quartier Latin, j'ai nommé Marie-France, dont vous n'avez peut-être sans doute jamais entendu parler. C'est clair que c'est pas le même genre d'underground dont on parle à PCR en général. Ici, on est plutôt dans le style paillettes, boa rose et talons de 18 cm. En 1977, entre deux overdoses d'héroïne, elle sort un single sur Romantic Records intitulé « Déréglé », écrit par le Belge Jacques Duval, parolier de nombreux artistes. On lui doit entre autres le fameux « Banana Split » de Lio. « Déréglé » a été enregistré au studio Jana, dont le boss n'est autre que Fred Jana, membre des merveilleux, uniques et si belges Snuls. Si vous ne connaissez pas les Snuls, c'est comme si vous n'avez pas de Rolex à 30 ans, vous avez raté votre vie. Voilà. Alors, Déréglé, c'est ressorti sur la compile French Punk Anthem 1977-1982 chez Born Bad Records en 2013. Bon, perso, moi, je trouve pas que c'est du punk. Pour moi, c'est de la variété française, mais quel que soit le style qu'on y apposera, à présent, la voix langoureuse et nonchalante de Marie-France avec le morceau Déréglé. 1, 2, 3, 4. T'en prie, vas-y, si, c'est carrément du punk. Mais si, ouais, c'est du punk. Quoi ? Oui, hein ? Bon, ça va. C'est ça, le rock. Mais c'était bien, hein ? C'était mais bien. Mais oui, mais ouais. Bien sûr. Ouais. Vous écoutez Pyongyang Sea Rockers, numéro 340. Jamie n'est toujours pas arrivé, mais bientôt, il va faire son entrée fracassante dans les studios. Ouais, et pour l'instant, voici... Dans moins de 10 minutes, il est là. C'est très bien. Heureusement. Il sera là pour 50. Il y a quelques semaines, est sortie une compilation hommage à Gilles Bertin, le chanteur du groupe Camera Silence. Alors cette compile est sortie sur Tough Ain't Enough, qui a regroupé une bonne partie des groupes de son écurie pour en faire cet hommage. On y retrouve le premier album de Camera au complet, dans l'ordre d'origine, chanté en basque, castillan et même en français, et interprété par, entre autres, Kaleko Rodanga, Klein Ouzara, Oreaga, Siete Siete Ocho, Tassotis, ou encore Doubling Boys pour le Pays Basque. Réo, Bloody Gums, Philax ou Stormbringers pour le reste de l'Europe. Il y a aussi des groupes un peu moins connus, dont un que je kiffe pas, mais alors pas du tout, Golpe de Gracia. J'ai horreur de la voix, je sais pas pourquoi. Ah, c'est parce que c'est du pas. Punk. Non, mais t'écouteras, mais c'est vraiment, je me demande, quand on est un groupe basque et qu'on voit ce qui se passe autour, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bah, je sais pas. Bah, après, ça doit plaire à d'autres personnes. Hein, mais... Franché par rapport à l'amorosité ambiante. Comme quoi, tout ne plaît pas là-bas. Oh. Alors, on y retrouve aussi Semaine Rouge, qui avait été écarté de la setlist finale de l'album de Camera Silence, hein, qui, par ailleurs, a été succulemment repris par Bombardier il y a quelques années. Et, truc marrant, il y a deux reprises du deuxième album de Camera. Celui où il n'y a pas Gilbertin. Donc pour un hommage à Gilbertin, je trouvais ça un peu marrant. Mais son âme planait encore sur le groupe à ce moment-là. Enfin, son âme, son esprit. Alors, comme j'ai déjà passé du basque tout à l'heure, je vais passer un groupe espagnol qui chante en castillan. Et allez, hein, parce que j'adore, on va passer quand même un groupe basque, mais qui chante en français. Pour l'Espagne, c'est compliqué. Hein. Je sais pas pourquoi j'écris. Mais... pour l'Espagne, ce sera donc Philax qui reprend le morceau Semaine Rouge. Et elle est pas facile à reconnaître. Moi, au début, je me suis dit, mais pas le bon morceau. Et en fait, si, c'est le bon morceau. Et Tassotis pour le Pays Basque avec leur reprise en français de Classe Criminelle. Un sentido, se acuerda el momento de gritar. Bon, je suis consolé, hein, parce que quand j'essaye de parler de basque, bah, c'est nul, mais quand j'entends des basques chanter en français, je comprends rien, donc voilà. Ah, ça va encore, là. C'est un peu mieux que la version russe. Parce que le russe qui chante français, c'est vraiment bien folklore, quoi. Ouais. Donc après, c'est bien, faut donner un peu de couleur locale, sinon... Après l'hommage russe, l'hommage espagnol, à qui le tour ? Eh ben, l'hommage irlandais, vu qu'en direct du camping du perroquet, voici Jamie avec son bob. Sa marinière. T'as pris tes quartiers d'été, là ? Attends, je vais te mettre ton micro. Moi, je serais vous, j'attendrai la photo de fin d'émission. Hein. Oh oui. Ouais, vous allez bien vous marrer. Alors, revenons à nos moutons. Oui. Les moutons irlandais. Bah ouais, hein. Ils sont élevés à la Guinness et tout, ils sont bien. Bon, moi je vais vous passer Pigalle, groupe de rock français. Ouais. Non, alors, il est sûr de lui là, tu sais. Non, c'est un titre de 91, me semble-t-il. Moi, d'après tes souvenirs. D'après Wikipédia. Moi en tout cas, il me semblait que c'était 91. Hein. Après, on peut dire aussi que ça peut être. Ouais. Sur l'album de 93, Rire et pleurer, ouais, mais peut-être que c'est sorti avant. Mais ouais, mais bien sûr. Mais je sais pas, on va demander à Maître Capello, parce que là, quand ouais. même... La chanson s'appelle « Dans le bar tabac ouais. de la rue des Martyrs ». T'as oublié la salle. Dans la salle du bar. Ouais. Ouais, mais excusez-moi, j'ai un petit peu bu un coup. Bah, et c'est pas fini, tu vas voir. C'est pas fini, c'est le début. Allez, j'envoie Pigalle. Ouais, merci, Jamie. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Il y a les ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir. Par terre, dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Le patron a un flingue pour l'ingénu qu'en voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure. Ensemble, ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, il y a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici la dope, c'est à la poignée, les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Y'a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler, à boire. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Here's another from Spizz Oil, and this is 6000 Crazy. Ah non, mais c'est pas possible ça. Voilà, on est en train de boire notre coup déjà, vu que tu nous avais invité à boire un coup. Et je voulais rajouter que c'était un peu notre golden boy à nous des Stranglers, parce que l'entrée, ça fait un peu golden boy. Ouais, l'orgue de barbarie. Puis après, c'est plus la même voix. Golden boy. Bon, vous avez donc entendu le début du prochain. Je vais vous parler un petit peu d'un des groupes fétiches de la première vague punk londonienne, comme on dit sur Boomerang tous les 15 jours le mercredi soir. Kenneth Spears, vous connaissez ? Son surnom c'est Spiz, S-P-I-2-Z, et à partir de ce surnom qu'il avait gagné quand il était gamin, il a pondu toute une série de groupes. En fait, c'est un seul groupe, mais qui changeait de nom à peu près une fois par an pendant un certain nombre d'années. D'ailleurs, là, comme d'habitude, hein, il avait arrêté, puis après, ils ont recommencé vers le milieu des années 2000. Et donc, il y a eu Spiz Energy, Spiz Oil, que vous allez entendre après, Spizzles, Spiz Sexual, Spiz Orbit, Atletico Spiz 80. Qui là, c'était en l'honneur des Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Ils avaient appelé ça Atletico Spiz 80. Enfin bref, voilà, c'était toujours à peu près les mêmes musiciens, mais juste ils ont envie de changer de nom. Moi, je trouve ça très punk dans la façon de faire. Ouais. Par contre, dans la musique, les savoirs, il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que quand même, c'était tellement peu recherché que ça pouvait même pas être du punk. Alors que le punk, normalement, c'est 2-3 accords. Hein. Là, même pas. Je vous passe sans plus tarder un extrait de leur Peel Session d'août 78. Avec, bien sûr, comme d'habitude, de la douce voix de John Peel qui vous raconte des trucs au début et à la fin. Spiz Oil, 6000 Crazy. Here's another from Spiz Oil, and this is 6000 Crazy. Spurs Oil, and that's 6,000 Crazy, and the band will be playing at the Covent Garden Community Festival on the 3rd of September here in London. And I'm not quite sure what the Covent Garden Community Festival is all about, but hopefully it'll be something to do with raising money to stop them turning the whole area into another great expanse of empty office buildings, which they seem to be building there anyway. They're also playing the F Club Leeds on the 7th, and they're going to be supporting Susie and the Banshees of Friars Aylesbury on the 16th. Might go to that, actually. What day is the 16th? I'll try and find out. Bon, vous y allez au concert de Susie and the Banshees et Spies à Aylesbury, là? Bon, ok, bah c'est tout, voilà. Au moins, comme ça, vous avez eu les annonces de concert. Personne n'a gagné les places pour... Personne n'a appelé. Non, personne n'a appelé. Et bah c'est tout, voilà. Et puis, puisque c'est comme ça, bah j'envoie ce qui sert de générique de fin. Et puis, c'est tout, quoi. Il reste une minute. Hein. Et on doit dire que comme ça ? Non, pas tout à fait. T'as quelque chose à dire, Gino. Bon. Il n'y a pas de casque, il sait pas qu'il y a de la musique. Il a l'impression que... C'est de l'éthiopien, ça. Donc, j'ai pas encore appris l'éthiopien non plus. Donc, pour la semaine prochaine, c'est You Can Dance. Le titre, c'est Sema. Et c'est là-dessus que nous nous quittâmes, vu qu'il nous reste 30 secondes pour dire au revoir. La semaine prochaine, c'est la 341e de Pyongyang City Rockers. En attendant, passez une bonne semaine. Écoutez la radio, Radio Campus, par exemple. C'est bien. Et puis, dans pas longtemps, ça va être normalement Teeth Grinder. Et puis, on n'oublie pas. Akab. Akab.